les arts, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on commence avec la formation italienne Run Strain de l'album Apocalypse Now. C'est une formation italienne qui se spécialise dans la création de ce que j'appelle des nouvelles trames sonores. Ils choisissent des films très connus et proposent une nouvelle musique pour accompagner ces films. Donc, là, c'est Apocalypse Now, le 7e album du groupe, qui a, par le passé, proposé des trames pour Shining, pour Nosferatu et pour Space Odyssey. Et après, on aura une formation italienne que, finalement, j'adopte d'emblée. Écoute après écoute, je dois dire que je suis conquis. Caravaggio, de son tout premier album Caravaggio. Et après ça, Marc, c'est l'Amérique du Sud qui figure à l'itinéraire. Oui, en effet, avec la formation argentine Meret. C'est un sextet, ils sont de Buenos Aires. Et c'est leur premier album Ceremonias, vraiment excellent, paru au mois d'avril. Alors, on aura la pièce Plano Astral, et ce sera suivi de la formation italienne El Esmir. C'est le projet de Roberto Vitelli, et c'est un nouvel album en spectacle qui vient de sortir, Live Smear. Et on aura la pièce Rain to Come, qui est une pièce inédite. Mais tout d'abord, comme vous le disait Michel, un deuxième extrait du nouvel album de Run Strain. Se sapessero com'è che la guerra fa inaridire a secco l'anima, porta la luce senza una luce. Fedele suddito del re, colgo il limite, miscelo desiderio ed avidità, e la sacra Bibbia scritta nella nebbia. Sapessero com'è che la vita fa implacabile futilità, è l'obiettivo senza motivo. E se sapessero perché solo all'ultimo possiamo vincere la tenebra, tutto l'orrore, tutto il capire. We'll be right back. verso il battere dei tamburi. Yeah. servía al sol, iluminando de noche esas razones que a la gente le dan pena, esos temores que despiertan en el miedo, y esas canciones que te agradan bien o mal. Ayer vi al ave rozando mi esperanza y despertando en ti el rumor de la ilusión, y desterrando para siempre el mito eterno de los que juegan con la vida bien o mal. Ya está hecho, ya está hecho, el homicidio de ese grito comenzó. Ayer pude recordar por un segundo siquiera el pasado de esas cosas que te alejan, el presente de este círculo vicioso y el camino hacia mi muerte artificial. Ya está hecho, ya está hecho. Estoy muerto, nadie lo puede negar. Estoy muerto, nadie lo puede afirmar. Estoy vivo entre los muertos que están vivos. Y estoy muerto entre los vivos que morirán. está el verde césped. Aquí está el verde mar. Está lejos de este río pasajero. Está cerca de ese río de verdad. Siete pasos me encaminan. Todo eso me conduce a la verdad. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Association canadienne pour la santé mentale filiale de Québec. Société canadienne du cancer. La Boussole. Maison de la famille Louis Hébert. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. CKRL. Communication. Communication. Culture. Culture. Culture. Culture. Culture. Culture. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. De retour à Terra Incognita, cette fois-ci on va faire un tour du côté du Japon avec un groupe qui présente un premier album. Le groupe a pour nom Evrak, je vais vous l'appeler là, pour E-V-R-A-A-K. En fait, c'est son premier album, mais ça réunit trois pièces d'un premier EP paru en 2020 et trois nouvelles pièces, donc six pièces pour un total d'une heure. Et belle découverte japonaise, un groupe assez intense, comme vous allez pouvoir le constater avec la pièce qu'on a choisie ce soir. Et on aura aussi une formation britannique qui a été assez active dans les années 1979 à 1981 et qui s'est séparée et puis reformée en 2019. On a repris le matériel de l'époque et pour combiner avec du nouveau matériel et proposer leur tout premier album. Le groupe a pour nom Retreat from Moscow et leur premier disque, je dois dire, j'ai beaucoup apprécié. Donc une pièce de ce premier disque. Et puis, Marc, après, je pense que ça va être autour de l'Italie. Oui, un autre artiste de la scène prog metal italienne, Luca Di Gennaro, qui est le claviériste et fondateur de Soul Secret, qui participe à plusieurs projets, donc plusieurs albums, dont Seven Steps to the Green Door, Subsignal. Alors, c'est son nouvel album, The Second Coming. On aura la pièce Shannon Tree. Mais pour débuter, on y va avec la formation japonaise Evrak. We'll be right back. of monsters and men. Yeah, moving forward, we are the ones you left behind. have fallen many times. I have stolen from the sun. Thank you. Hier, en voulant prendre mon vélo, j'ai vu qu'il y avait une crevaison. Fait que j'ai pris rendez-vous avec Atelier Vélos. Atelier Vélos? C'est quoi ça? C'est un service d'entretien mécanique mobile pour les cyclistes des quartiers centraux. Pas besoin d'aller porter ton vélo à l'atelier, c'est le mécano qui se déplace. Il se déplace, hein? Ben c'est pratique, ça! Mais, hein! Puis, si tu veux apprendre, Atelier Vélos offre aussi des formations en mécanique. Merci de m'en avoir parlé. J'aime ça apprendre, puis mon vélo a besoin d'une bonne mise au point. AteliersVélos.com. Ça roule. Le band qui a su prendre d'assaut la Maison Symphonique pour jouer avec l'Octobass est de retour avec un vinyle double. Rayon Noir du duo Octoplot est maintenant disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur bandpromo.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors pour le troisième bloc de l'émission, on aura la formation norvégienne Elephant Nine qui ont fait paraître leur sixième album au mois de février cette année, l'album Arrival of the New Elders. On aura la pièce Rite of Accession. On aura également la formation italienne Il Giardino Onirico tirée de Apophenia qui a été un de mes albums préférés de 2019 et je pense que c'est le cas pour plusieurs. Alors on aura la pièce Orina Rauta qui débute cet album. Mais pour débuter ce bloc musical, on a la formation allemande Sylvan, tirée de leur plus récent album 1-2-0, une formation qu'on avait eu la chance de voir à Québec dans le cadre du festival Terra Incognita, Michel. Oh oui, Marc, effectivement, tout un spectacle d'ailleurs. Je pense que tous ceux qui étaient présents ce soir-là s'en rappellent avec un grand sourire. Et on a eu la chance, ça c'était en 2016. La même journée, on avait accueilli Unreal City, et aussi Kinetic Element. Et puis la veille, on avait eu Inner Odyssey, Aborgans et RPVL. C'était une belle fin de semaine, beau souvenir donc en 2016. Et on écoute, sans plus tarder, Sylvan. Without pain, but buried deep, but still part of me.

qui était un de mes coups de cœur de cette année-là, étant donné que j'avais découvert cette formation-là. C'est leur second album, mais on aura la pièce Aral C2, Dustbin of History. Et on débutera avec Stuart Bell, qui a présenté deux albums intitulés The Empty Chamber of Being. Celui-là, ça sera donc un extrait de partie 2, paru en 2017 également. Et la pièce The Probability of Improbability, Michel. Oui, une pièce chantée par nul autre que Simone Rossetti de The Watch. Je pense que vous allez reconnaître rapidement sa voix. Stuart Bell avait aussi invité Simone Rossetti à contribuer à son premier essai solo. Et puis, en fait, il y a deux chanteurs qui ont été invités. Il y a Simone Rossetti et Ariane Lucassen. Dans le cas de Simone Rossetti, on peut dire que c'est un choix assez logique lorsqu'on connaît le fort penchant pour Genesis du groupe Citizen Kane. Et on écoute donc ce deuxième album solo de Stuart Bell, The Antichamber of Being, Part 2. It's all explained by science, it's all coincidence. They say it has no purpose, it's all just meaningless. They say cold, dark, inhuman forces run the show. This can't be so. They say it's all illusion, this awareness that we feel. Strange loops reflecting mirrors, just random chemistry. There must be a purpose, there must be a reason. I

I am dead, then where am I? If my life is over, then who am I? We'll be right back. soir, on a choisi de vous laisser avec un extrait de l'album Petali di Fuoco du groupe La Maschera di Cera, un album paru en 2009 et qui annonçait une pause pour le groupe qui allait revenir seulement en 2013 avec Les Portées del Domani. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et puis, je vous invite aussi à rester des nôtres, car l'autoroute suit dans quelques instants. Et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL. Senza tempo, cattedrali si alzano volando, costruzioni sospese. Nella strada vedo tanta gente, grandi treni si perdono nel cosmo. Batte un cuore e tu sai che sta cercando. Folla ti sommerge nell'abisso della cattedrale, mentre il fuoco ci divora nel profondo. Oh, oh, oh. CKRL 89.1. Les mains ne parlent plus, vous êtes encore. Il fait froid déjà. Retrouvez Caroline Boily en diffusion sur CKRL. Cet été, j'évite de transmettre la COVID-19. C'est facile. Je porte un masque dans les endroits bondés. Si j'ai des symptômes, je m'isole et je fais un test rapide. Si le test est positif, je reste à la maison au moins 5 jours. Et pour les 5 jours suivants, je ne visite aucune personne vulnérable, j'évite les activités sociales comme les festivals et les rassemblements, et je limite mes activités à l'essentiel tout en portant un masque et en respectant la distanciation de 2 mètres avec les autres. Parce que le virus est toujours là, je suis prudent. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1. Ici Gilles Chaumel. Ça fait maintenant 35 ans que nous sommes à coquiner, toi et moi, à différentes émissions, musique ancienne, musique contemporaine, musique classique, musique de jazz, folk songs. Ça a commencé mon histoire en 1977, alors que, en peinturant dans mon salon, par un beau soir ensoleillé, j'ai syntonisé CKRL pour une des premières fois. Et j'y ai entendu la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont à Paris, de Marin Marais, sur cette émission qui s'appelait La Nuit des Rois, avec le regretté Jacques Parent. Regretté, nous ne regrettons rien depuis 17 ans. La radio, c'est ce qui fait vivre. En 2023, CKRL aura 50 ans. 50 ans de radiophonie communautaire. Envie d'expérimenter la préparation d'un classique de Broadway? Les productions Forum Rococo ouvrent leurs portes pour leur nouvelle production, Chicago, la comédie musicale en français. À la recherche de talents locaux et amateurs, les productions Forum Rococo organisent une série d'auditions le 16 août prochain à Charlebourg. Théâtre, chant et danse seront observés. Tu es friand de ces trois disciplines? Tous les détails et les informations sont disponibles sur la page Facebook des productions avec un S Forum Rococo. Au plaisir de te voir briller. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps.